Les Nuits de France Culture. Les Nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Au milieu des années 80, le misanthrope faisait l'actualité du théâtre. Dans la mise en scène qu'en donnait André Angèle à Bobigny au printemps 85, avec Gérard de Sarthe dans le rôle d'Alceste, alors qu'à l'automne précédent, à la Comédie Française dont il était l'administrateur général, Jean-Pierre Vincent proposait un misanthrope qui avait le visage de Michel Aumont. Jean-Pierre Vincent, en fidèle de Molière qu'il resta toute sa vie, récidivait avec le misanthrope qu'il avait déjà monté à Strasbourg en 77-78, avec cette fois Philippe Clévenot en Alceste. Dans le programme de ce spectacle que distribuait le TNS, Jean-Pierre Vincent écrivait ceci. Le classicisme peut, à certaines époques, avoir une fonction minoritaire et polémique. Se confronter aux pièces du passé, c'est un peu se forcer à parler d'autre chose que de soi-même, à l'heure où chacun tend à se refermer sur sa propre biographie. L'économie classique peut avoir une valeur purgative dans un monde écrasé de signes. Écoutez l'antique paranoïaque. Oui, comme Jean-Pierre Vincent nous y invitait, oublions nos propres biographies et écoutons l'atrabilaire amoureux de Molière. C'était l'enregistrement d'une nouvelle présentation de la mise en scène du misanthrope qu'avait signé Jean-Pierre Vincent à la Comédie Française en 1984. À l'entracte, pendant un petit quart d'heure, Jean-Pierre Vincent et Marc Fumaroli disaient à Jean-Loup Rivière deux ou trois des innombrables choses qu'ils avaient à dire du misanthrope. France Culture et la Société des comédiens français vous proposent d'écouter cet après-midi, retransmise en direct de la salle Richelieu à Paris, une nouvelle présentation du Misanthrope, comédie en cinq actes et en vers de Molière, dans une mise en scène de Jean-Pierre Vincent et une dramaturgie de Bernard Chartreux. Avec Bernard Deran, Oronte, Michel Aumont, Alceste, Geneviève Casil, Arsinoé, Simon Hen, Philinte, Ludmila Michael, Célimène, Christine Murillo, Eliante, Jean-François Rémy, Le Garde, Hubert Gignoux, Dubois, Jean-François Lapalu, Clitandre, Gérard Chailloux, Acaste, et Rémy Riflade et Gérard Malabat. Nous rejoignons maintenant la salle de la Comédie Française où va commencer donc dans quelques instants la représentation du misanthrope. Qu'est-ce donc ? Qu'avez-vous ? Laissez-moi, je vous prie ! Mais encore, dites-moi, quelle bizarrerie ! Laissez-moi là, vous dis, je courais vous casser !

après les trois premiers actes du Misanthrope que nous venons d'entendre, nous allons passer cet entracte avec Jean-Pierre Vincent, qui a mis en scène ce Misanthrope, et Marc Fumaroli, qui est un de nos grands spécialistes du XVIIe siècle. Peut-être, Jean-Pierre Vincent, le mieux ce serait de commencer en parlant un petit peu de l'espace dans lequel a lieu ce Misanthrope, espace que les auditeurs n'ont pas pu encore apercevoir. Oui, alors c'est un espace à la fois tout à fait réaliste dans sa géographie, dans sa forme, et pas tout à fait réaliste dans sa réalisation. C'est un décor qui a été fait par Jean-Paul Chambaz, qui est un peintre d'aujourd'hui, un jeune peintre d'aujourd'hui, qui a regardé très attentivement comment était faite, de quelle matière et de quelle forme était faite l'architecture du XVIIe siècle. En particulier, nous nous sommes promenés à Versailles. Nous avons vu qu'à Versailles, par exemple, il y a des couloirs entiers qui sont très purs, très clairs, très médicaux, très chirurgicaux, en pierre de taille, sans qu'on voit presque les jointures entre les pierres, et par contre, d'un autre côté, des endroits extrêmement chargés, comme si le XVIIe siècle avait joint ou disjoint deux idéaux, qui étaient un idéal décoratif extrêmement chargé, assurant l'image de la puissance du grand roi, et d'un autre côté, un idéal de pureté ou de rationalisation de l'homme. Et nous avons essayé de rendre compte de ça dans le décor, qui, en tant que géographie, est une sorte de palier d'un premier étage d'un hôtel aristocratique auquel mène un escalier, de ce qui mène à l'antichambre de cet hymen, c'est-à-dire d'un endroit, contrairement au salon qu'on voit d'habitude, qui est ouvert à tout vent. Comme on a l'impression, quand on se promène dans un hôtel aristocratique ou à Versailles, d'un endroit où le regard des autres peut vous surprendre considérablement, subitement. Quand vous vous promenez à Versailles, surtout quand c'est vide, vous attendez à voir le roi surgir. Et comme vous savez que vous n'avez pas le droit de vous asseoir dans Versailles, que les tabourets sont fort tentants, vous vous demandez toujours si quelqu'un va surgir et ne vous dénoncera pas comme vous étant assis. Et c'est un endroit où tout le monde peut surgir de tous les côtés que nous avons voulu mettre sur le plateau. D'ailleurs, pour cette petite conversation, nous sommes nous-mêmes dans un lieu de passage. Il y a une porte qui vient de s'ouvrir. Oui, le régisseur a essayé de passer pour aller voir si le public était bien sorti de la salle. Mais je crois que pour le spectateur, la première surprise du spectacle, c'est justement cette juxtaposition sur la scène d'un fond très XVIIe siècle, comme une sorte de galerie de tableaux avec, avec une magnifique Adonis mourant de vouet. Et puis de chaque côté, deux panneaux extrêmement abstraits, mondrianesques, qui semble en somme nier même le fond ancien. Oui, c'est curieux que les gens ressentent beaucoup ce décor comme scindé en deux ou représentant au fond deux époques de la vision de l'homme, l'une qui serait 17e et l'autre qui serait moderne, alors que nous qui nous sommes promenés à Versailles, nous avons vu, je vous le jure, un certain nombre d'endroits presque abstraits d'architecture, et par exemple le nouvel escalier qui vient d'être terminé, qui n'avait pas été terminé sous Louis XIV et qui vient d'être terminé, est un endroit d'une abstraction mondrianesque peut-être, mais Louis XIVienne tout autant. Mais la pièce elle-même a quelque chose non pas d'abstrait, mais de conjuguant une sorte de rigueur presque algébrique avec cette substance, cette vitalité que tous éprouvent en riant et en participant de leur joie à la représentation. En fait, les personnages eux-mêmes sont nommés de façon extrêmement abstraite. Ce sont des A, B, C, X, ces noms d'Alceste, de Célimène, auraient pu être donnés à des personnages de pastoral ou auraient pu être donnés à des personnages d'opéra. Ouais, ouais. Ils ne disent rien sur les personnages et les situations, l'organisation même des actes et des scènes dans les actes a quelque chose aussi d'assez algébrique. La scène 1 de l'acte 1 répond à la scène 1 de l'acte 5. Il y a une sorte d'harmonie, je dirais, numérale que vous avez retrouvée effectivement dans l'architecture de Versailles. On a été très sensible à cette pureté, cette volonté de pureté presque tragique de la pièce. Il y a quelque chose de curieux, il y a des contradictions très nourrissantes pour le travail de l'acteur et du metteur en scène, et je pense aussi pour le spectateur de toutes les époques dans cette pièce. C'est ces contradictions entre la vitalité profonde de tous les êtres, de toute époque, et cette sorte de constriction qui est demandée aux courtisans autour de l'avènement de Louis XIV, ce changement de civilisation fait de force, demandé sur les ruines de la Fronde, quand les aristocrates perdent la partie dans la Fronde, il y a une sorte de refoulement de cette défaite, d'accord tacite, on ne parlera plus de la Fronde, on va s'asseoir sur les tabourets, on va mettre des plumes sur la tête, on muselle son humanité. Les femmes qui avaient pris une certaine indépendance pendant la Fronde inventent une autre forme de suprématie, enfin, ou la recherche. Il me semble que Célimène est une pionnière, parfois maladroite d'ailleurs encore, d'une civilisation de l'amour et des relations interpersonnelles qui atteindront leur apogée et leur perfection au moment de Marivaux. Et puis alors, il y a une autre contradiction entre la vitalité de Molière comédien et de ses camarades, pour lesquels il a écrit la pièce et qui transparaît sans arrêt, cet imprévu de la vie qu'il a su retrouver, et cette volonté d'anoblir sa propre écriture. Il est extraordinaire de voir comment, en 4 ans, même entre L'École des femmes et Le Misanthrope, Molière a fait des progrès d'écrivain, des progrès de langue. Alors c'est encore plus considérable quand on voit, si on redescend encore 2 ans en avant, Don Garcia de Navarre, qui est une pièce qui avait échoué, qui était une volonté d'écrire une pièce très sérieuse, une tragicomédie de la part de Molière, qui avait été un échec public, et dont il a repris un certain nombre de vers, et presque une scène entière, qui est la scène de la lettre que vous allez entendre au 4e acte, qui vient de Don Garcia de Navarre, mais avec quelques modifications qui font qu'on passe d'une pièce quasi préhistorique, enfin très archaïque dans son écriture et dans sa structure, à une sorte de géométrie ou d'algèbre, vous avez dit le mot tout à l'heure, qui représente le point le plus raffiné de l'écriture théâtrale française au XVIIe siècle. En tout cas. Oui, je crois que j'interpréterais un peu autrement cette espèce de contrepoint entre la construction et même l'effet ou la saveur géométrique de la pièce, et puis également cette richesse, cette vitalité, cette densité humaine, enfin, que nous avons fait allusion. Je crois qu'il y a dans cette pièce, de la part de Molière, non seulement une volonté de hisser son théâtre à la hauteur de la noblesse tragique, mais il y a aussi, je crois, une volonté de Molière d'arriver avec cette pièce à donner une véritable résumé de la manière dont il voit l'humanité. Et alors, en même temps, avec un très haut degré d'analyse, un degré presque algébrique, et en même temps, avec le sens qui est le sens du théâtre, le sens du dialogue. Et ce qui est très frappant dans cette pièce, c'est que il y a de magnifiques dialogues. Il y a le dialogue entre Célimène, il y a le dialogue entre Célimène et Alceste, il y a le dialogue entre Philinte et Alceste, il y a Célimène le dialogue entre Célimène et Arsinoé, entre Éliante. Mais tous ces dialogues, au fond, ne conduisent à aucune solution. Ce sont des dialogues où chacun des personnages, en somme, envisage une moitié de la vérité, avec une force, avec une justesse, avec une profondeur absolument immanquable. Chaque fois qu'ils parlent, on a envie de leur donner raison. Et puis, l'autre personnage détient l'autre moitié. Et Molière a fait, en somme, que ces séries de dialogues constitue l'ensemble de sa vérité à lui sur l'humanité. Oui, ou de sa non-vérité d'ailleurs. Parce que c'est une pièce ouverte. C'est une pièce ouverte. Mais peut-être justement le fond de la pièce, c'est qu'il n'y a pas de vérité en dernière analyse. Il n'y a que du dialogue. Je crois. En tout cas, il y a une volonté du théâtre, pour le théâtre, de témoigner de la vie, de sa profusion. Et il me semble, je n'ai pas connu Molière évidemment, mais il me semble à travers tous les personnages qu'il a écrits pour lui-même, et donc comme il se voyait, qu'il était assez obsessionnel. Et qu'il a écrit souvent des rencontres entre personnages obsessionnels, c'est-à-dire des gens qui ont une grande clarté de vision sur le monde à cause de leur hystérie ou de leur obsession, mais qui ne se rencontrent jamais. Ah oui. On voit ça, par exemple, merveilleusement dans la scène entre Chrysal et Arnolf au début de l'école des femmes. Ces deux hommes qui parlent pendant 20-25 minutes sur être cocu, ne pas être cocu, épouser une femme intelligente, épouser une femme bête, et qui, à la fin d'une discussion très ardue, se disent dans un aparté fou l'un l'autre. L'un dit il est fou, l'autre dit il est chaussé de son opinion. Et on rencontre ça, par exemple, en archétype, dans des petites pièces comme Sganarelle ou le Cocu imaginaire, qui est la rencontre infernale sur une place de gens qui ne s'écoutent pas les uns les autres. Les gens ne s'écoutent pas et sont ivres d'eux-mêmes, très narcissiques. Et bien sûr que la cour, la vie de courtisan, excitait le narcissisme des personnages. C'est vrai que ce qui est à la fois effroyable et très drôle dans les rapports entre Arsinoé et Alceste, par exemple, c'est que l'un ne voit pas l'autre et réciproquement. Un malentendu absolument formidable. Mais ne croyez-vous pas que c'est la rencontre aussi entre Molière acteur et Molière dramaturge? Molière acteur s'identifie effectivement à ses obsédés, à ses unilatéraux, mais Molière dramaturge est capable d'envisager ces coexistences ou ces rangs ou ces malentendus entre points de vue unilatéraux et aller à réunir dans un point de vue global qui n'est pas, effectivement, je suis d'accord avec vous, le point de vue de la vérité, mais le point de vue de l'universalité ou le point de vue d'une complétude. On a vraiment l'impression d'avoir l'image complète d'une humanité complexe, alors que chacun n'a qu'un morceau de ce fragment. Alors, et peut-être l'idée de fragment que vous avez suggéré en plaçant, enfin, votre décorateur a suggéré, en plaçant des morceaux de miroir sur un des deux Mondrians qui sont dressés sur la scène, eh bien, fait allusion justement à cette dialectique ou à ce dialogue entre le particulier. C'est la complétude du monde, oui. Et alors, il y a un cas très particulier aussi dans le Misanthrope, c'est le personnage de Célimène. Et la sincérité et la générosité avec lesquelles Molière a non pas fait acte de propagande privée ou de montre de sa vie privée, mais en tout cas, il a utilisé les rapports qu'il avait avec Armande, le fait qu'il ne comprenait pas cette jeune femme, mais il lui a donné toutes ses chances. Les rapports entre un homme mûr et une jeune femme qui ne se comprennent pas bien, il n'a pas rabaissé ce personnage, et de même d'ailleurs qu'avec Agnès dans l'École des femmes, il a fait deux œuvres extraordinaires d'un homme qui raconte ses rapports avec une femme qu'il a un mal fou à comprendre, et d'ailleurs qu'il ne comprend pas, avec une sincérité et une générosité dont peu d'auteurs ont fait preuve. Moi, ça me bouleverse à chaque fois de voir comment il a donné ses chances à Célimène alors qu'il aurait très bien pu l'écraser. De par même son écriture, c'était lui le démiurge. Mais la logique de sa pièce, elle aurait beaucoup souffert aussi. Merci Jean-Louis Rivière, merci Jean-Pierre Vincent et Marc Fumaroli. Les spectateurs regagnent en effet leur place et nous allons bientôt pouvoir entendre la suite de ce Misanthrope, retransmis en direct de la Comédie-Française. Dame à manier si dure, ni d'accommodement plus pénible à conclure. En vain, de tous côtés, on l'a voulu tourner, hors de son sentiment, on a pu l'entraîner, et jamais différent si bizarre, je pense, n'avait de ces messieurs occupé la prudence. Non, messieurs, disait-il, je ne me dédie point, et tomberai d'accord de tout hors de ce point. De quoi s'offense-t-il et que veut-il me dire? Y va-t-il de sa gloire à ne pas bien écrire? Que lui fait mon avis?

France Culture et la Société des comédiens français vous ont présenté cet après-midi, retransmis en direct de la salle Richelieu à Paris, une nouvelle présentation du Misanthrope, comédie en cinq actes et en vers de Molière dans une mise en scène de Jean-Pierre Vincent et une dramaturgie de Bernard Chartreux, avec Bernard Deran, Oronte, Michel Aumont, Alceste, Geneviève Casil, Arsinoé, Simon Haine, Philinte, Ludmila Michael, Célimène, Christine Murillo, Éliante, Jean-François Rémy, Le Garde, Hubert Gignou, Dubois, Jean-François Lapalu, Clitandre, Gérard Chailloux, Acaste, Rémi Riflade et Gérard Malaba. C'était Le Misanthrope de Molière, interprété par la Société des comédiens français dans une mise en scène de Jean-Pierre Vincent. Première diffusion le 7 avril 1985 sur France Culture. Téléchargement et réécoute à la page des nuits sur le site franceculture.fr et sur l'application Radio France.